L'actualité à Nancy et ailleurs. Aurélia, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Lueur d'Asile et vous organisez un événement ce 20 juin à Nancy au Jardin d'Eau à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Donc avec l'association Lueur d'Asile, on a souhaité organiser un rendez-vous pour la Journée mondiale des réfugiés, notamment pour commémorer les milliers de personnes qui décèdent chaque année en essayant de rejoindre les côtes européennes par la Méditerranée. Et pour commémorer ça d'une façon un peu plus agréable et plus conviviale, on a décidé de se rejoindre à 19h au Jardin d'Eau de Nancy. On aura une prise de parole avec une lecture de poèmes sur ce sujet. Puis on aura un atelier de construction de petits bateaux en papier en origami. Et on compte les lâcher sur le canal pour symboliser ces trajets en bateau qui souvent finissent tragiquement. Donc rendez-vous le 20 juin, ce mardi 20 juin, au Jardin d'Eau à Nancy, à 19h. Il y aura quelques tables et quelques personnes, peut-être une bannière ou deux, pour se retrouver. D'accord. Un mot sur l'association Lueur d'Asile, qui est assez récente, et vous avez déjà organisé plusieurs actions. C'est ça. Alors, en fait, on a été créé en novembre 2016. Et depuis, on a régulièrement des cours de français auprès des personnes réfugiées sur Nancy, avec plusieurs points et plusieurs dates, hebdomadairement. Et on a aussi organisé plusieurs moments de sensibilisation et de rencontres. On a fait notamment une journée solidaire à la MJC Lillebonne. On a fait une collecte en novembre. On a organisé une manifestation contre le délit de solidarité. Et on a participé à un concert solidaire en mai dernier. Et le prochain événement, donc, c'est ce mardi 20 juin. On vous retrouve au Jardin d'Eau de Nancy à 19h pour symboliquement mettre des bateaux à l'eau. C'est ça. On est encore en train d'attendre par contre l'autorisation de la préfecture. Donc il se peut que ça n'arrive pas, mais si c'est le cas, dans tous les cas, on a créé un événement Facebook, donc vous serez tenu au courant par Facebook si jamais c'est annulé au dernier moment. Donc la page Facebook, c'est Lueur d'Asile, tout attaché, tout simplement. C'est ça, et l'événement s'appelle Fais ton bateau, 20 juin 2017. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.